Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, Camille est de retour pour nous parler d'Hyperion et de sa suite. Hello chers auditeurs, Camille au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga de science-fiction, bien évidemment, que j'estime qui n'est pas assez connue. Elle a reçu beaucoup de prix et je pense qu'elle est quand même connue chez les amateurs de SF, et pourtant je trouve qu'elle n'est pas souvent citée. On parle toujours de Fondation, de Dune, Hyperion, je trouve qu'on n'en entend pas assez souvent parler. Donc la saga s'appelle Les Cantos d'Hyperion, écrit par Dan Simmons, et aujourd'hui je vais vous parler du tome 1, Hyperion, et du tome 2, La Chute d'Hyperion. C'est assez noir, bien sûr, l'univers est assez noir, tout ce qui nous est dépeint de l'humanité n'est pas très engageant. Mais en même temps, c'est réaliste. Il faut pas se leurrer sur l'avenir de l'humanité. Et puis après tout, si tout est rose et que tout est joli et qu'il y a des petites fleurs et des petits oiseaux partout, où est l'intérêt d'écrire un roman? Il faut qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des péripéties, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc évidemment, dans Hyperion, il y a des péripéties, il y en a beaucoup. Il y a de quoi avoir le ravioli en ébullition. Ça fait réfléchir, il faut se concentrer, il y a des intrigues qui viennent s'entremêler les unes aux autres. Donc je vais vous lire le résumé de Hyperion, le tome 1. Quand les sept pèlerins se posent à Hyperion, le port spatial offre un spectacle de fin du monde. Des millions de personnes s'entassent derrière les grilles. Les habitants de la planète sont sûrs que le Gritch va venir les prendre et ils veulent fuir. Mais l'hégémonie ne veut rien savoir. Une guerre s'annonce et les routes du ciel doivent être dégagées. Et tout ce que le gouvernement a trouvé, c'est d'envoyer les sept pèlerins. La présidente le leur a dit d'emblée. Il est essentiel que les secrets des tombeaux du temps soient percés. C'est notre dernière chance. Mais les pèlerins n'y comprennent rien et ne se connaissent même pas. Heureusement, le voyage leur permettra de se rapprocher. Chacun raconte son histoire et l'on s'aperçoit vite que nul n'a été pris au hasard. Celui qui a fait la sélection au fil des confidences paraît avoir fait preuve d'une lucidité diabolique et d'une cruauté raffinée. Donc, dans le premier tome Hyperion, on découvre sept pèlerins qui sont amenés sur la planète Hyperion. Chacun arrive des quatre coins de l'univers. Ils ne se connaissent pas. Et donc, on les amène sur Hyperion en leur donnant cette mission de faire un pèlerinage vers la vallée des tombeaux du temps et de percer justement les mystères de ces fameux tombeaux. Car ces tombeaux n'ont pas été conçus par l'humanité, par l'hégémonie. On ignore d'où ils viennent, ils étaient là quand l'humanité a découvert la planète Hyperion, ils étaient déjà là. Et elle fait partie justement d'une série de mystérieuses planètes qui possèdent des labyrinthes, des tombeaux que l'humanité n'a pas construits. Ces tombeaux sont datés très vieux, et on ignore qui les a construits. Et il semblerait donc que la guerre qui est imminente dans l'hégémonie pourrait trouver une issue grâce au tombeau du temps. Et donc, sept pèlerins ont été soigneusement choisis pour réussir à percer ce mystère et à éventuellement éviter que la guerre n'éclate et que ce ne soit la fin de l'hégémonie. Alors, comme ces sept pèlerins ne se connaissent pas, eh bien, pour le long pèlerinage qui les attend vers la vallée des tombeaux du temps, pour s'occuper, ils vont tout simplement se raconter leur vie pour essayer de comprendre quel peut être leur lien avec la planète Hyperion et les tombeaux du temps. Au début, personne, aucun des pèlerins n'a vraiment conscience d'avoir un lien avec Hyperion et avec le Gritch, qui est un monstre qui sort des tombeaux du temps et qui s'amuse à massacrer beaucoup de personnes. Pour des raisons plus ou moins aussi mystérieuses. Parmi ces sept pèlerins, il y a le consul. Alors le consul, lui, dans son histoire, il va surtout nous parler en fait de ses grands-parents, car ce sont ses grands-parents qui sont vraiment liés à Hyperion. Il y a ensuite Lennar Hoyt, un prêtre, et qui lui aussi va nous parler d'une autre personne, du père Paul Durée, qui a été en mission sur Hyperion il y a bien longtemps. C'est parce qu'il a côtoyé le père Paul Duret qu'il se retrouve parmi ses pèlerins. Il y a ensuite Fedman Kassad, le soldat, qui donc a fait bien des guerres, qui est un grand guerrier. Il y a Brown Lamia, la détective, une détective privée, qui va nous parler de ses amours. En fait, c'est important quand même pour la suite. Elle a dû enquêter sur l'assassinat d'une entité artificielle, d'un cybride, John Keats, qui est en fait une reconstitution IA du poète John Keats. Puisqu'apparemment, Dan Simmons aimait bien ce poète et donc il a réussi à le mettre dans son roman. Il y a Ed Mastin, le Templier, un personnage très mystérieux. C'est un disciple de la voix de l'arbre authentique. Et donc on entend pas mal parler de lui dans les récits des autres. On en apprend sur la voix de l'arbre authentique. Et donc du coup on en apprend un peu en général sur lui et sur toute sa confédération. Il y a Martin Silenus, le poète. Avec Brown Lamia, je dirais que c'est un des personnages les plus hauts en couleur, surtout que la relation de Brown Lamia et Martin Silenus apporte beaucoup de peps à l'histoire puisqu'ils ne peuvent pas se sentir et que du coup, ça... Dès le départ, dès qu'ils se rencontrent, ils ne peuvent vraiment pas se sentir et du coup, ça apporte beaucoup à l'histoire quand même. Enfin, les relations conflictuelles comme ça, c'est toujours assez drôle à lire dans un sens et c'est un plaisir. Il y a Son Weintraub, ou Weintraub, j'ai jamais su comment prononcer ce nom, donc qui lui est là pour sa fille, puisque sa fille a la maladie de Merlin. Elle ne vieillit pas, elle rajeunit. Elle est allée dans les tombeaux du temps, et depuis qu'elle en est revenue, elle rajeunit de jour en jour, et donc là, quand il fait le pèlerinage, ce n'est plus qu'un bébé, et donc il n'y a plus que quelques jours encore avant qu'elle ne meure, puisque bientôt elle sera revenue au stade de la naissance. Alors tout ce récit, tous les récits de ces personnages, donc petit à petit, nous fait rentrer plus dans tout l'univers créé par Dan Simmons, car tous ces personnages donc, viennent des quatre coins de l'univers, ils n'ont absolument pas le même passé, ils n'ont pas du tout grandi dans les mêmes circonstances, dans les mêmes milieux. Et grâce à tous ces personnages, on apprend la Terre, enfin donc l'humanité quittant la Terre, colonisant l'univers, les planètes et toute cette hégémonie donc qui s'installe, qui prend place. Et également, on découvre des milieux ou en couleur des planètes avec leur société propre, les cultures qui se sont créées sur ces planètes ou les mondes, voilà, on visite beaucoup de mondes différents et aussi tout ce que, et c'est en même temps, il y a vraiment le côté science-fiction, technologie n'est pas oublié, on a tout un univers donc plausible d'une société qui se serait développée ainsi dans l'univers, d'un futur possible. Qui est ainsi montré comme ça petit à petit au fur et à mesure qu'on lit, qu'on a les récits des pèlerins tout en tranquillité, on a cette image de cet univers, de ce futur qui nous est présenté, qu'on peut petit à petit s'imaginer, qui se complète au fur et à mesure des récits, et tout ça pour mieux nous préparer à la chute d'Hyperion. Puisque une fois que c'est quand les récits des sept pèlerins s'achèvent, qu'on achève le tome 1 Hyperion et qu'on peut commencer le tome 2, la chute d'Hyperion. Et là donc, on connaît bien l'univers tout entier, on connaît l'hégémonie, son fonctionnement, et donc on est prêt à entrer dans l'action. Et donc voici le résumé du tome 2, la chute d'Hyperion. Les sept pèlerins du Gritch s'installent dans la vallée des tombeaux du temps, malgré l'inconfort d'un campement soumis aux marées anthropiques, aux orages, aux rafales de neige et aux tempêtes de sable qui balaient régulièrement la région. Au-dessus de leur tête, la bataille pour Hyperion fit rage entre les forces de l'hégémonie et l'essaim des Extros, striant le ciel de zébrures jaunes ou rouges, laissées par les armes à plasma et les explosions. Chacun des pèlerins attend sa douloureuse confrontation avec le Gritch. Pendant ce temps, le cibrit de John Keats, qui a pris l'identité du peintre Joseph Severne, est appelé par la présidente de l'hégémonie, Mena Gladstone, pour croquer son portrait. Il assiste ainsi à toutes les réunions d'état-major qui dressent les bilans de la guerre contre les Extros, révèlent les doutes de la présidente sur son action et mettent en évidence le rôle primordial des IA dans la prise de décisions militaires et politiques. Alors que la guerre contre les Extros prend une ampleur imprévue, menaçant directement une vingtaine de planètes du Retz et mettant en difficulté les forces de défense de l'hégémonie, le mandat de la présidente Mena Gladstone est remis en cause par un nombre croissant de sénateurs. Peu à peu, la guerre contre les Extros se révèle être la phase décisive d'une machination complexe qui vise à exterminer l'humanité. Il y a énormément de retournements de situation dans le tome 2, et on retrouve des personnages qu'on ne croyait plus voir. Par exemple, John Keats, l'entité John Keats, on ne pensait plus la voir, et en fait, si, elle est là, elle est justement, donc ça devient le narrateur. Donc, parce que c'est ça qui est bien en plus, c'est que déjà dans le tome 1, chaque pèlerin racontait son histoire et on avait du coup des récits très différents avec des styles vraiment très différents. Et donc, d'un seul coup, on commence la chute d'Hyperion avec le narrateur, Severne, qui nous raconte tout ce qui se passe au siège d'état-major sur Hyperion. Et donc, ça fait quand même un grand changement. D'un seul coup, comme ça, on bascule totalement de style. Et on est toujours dans le même univers. Forcément, on reconnaît bien l'univers. Il est toujours là. On a toujours les mêmes... Donc, on reconnaît les personnages qui étaient déjà dans le premier. Voilà. Mais en même temps, il y a un style totalement différent qui s'installe et qui surprend. Et qui nous donne encore plus envie de lire. Moi, ça me capte encore plus, justement, parce qu'on est un peu dérouté et en même temps amusé, et ça émoustille encore un peu plus l'intérêt qu'on pouvait avoir déjà depuis le premier. Et donc, il y avait des choses dans le premier qui nous avaient fait réfléchir, qu'on voyait venir d'une certaine manière, et dans le deux, ça s'approfondit. Il y a même des choses qu'on n'avait absolument pas vu venir, qui prennent une forme... Enfin, moi, j'étais en confiance en même temps parce que je lisais en faisant confiance à l'auteur, et je pense qu'il compte aussi sur cette confiance aveugle que le lecteur peut avoir pour se laisser un peu berner. Et du coup, on a beaucoup de surprises dans le tome 2 qui nous arrivent comme ça, en pleine figure, qu'on n'avait pas forcément prévues. En tout cas, moi, je ne les avais pas prévues. Et du coup, on est vraiment captivé et on n'en revient pas de toute l'ampleur que tout cela peut prendre, tout ce complot, tout ce qui peut nous être révélé. C'est vraiment très, très captivant. Alors bon, l'émission se termine. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de lire Les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons. Pour votre culture générale, pour votre plus grand plaisir, parce qu'une fois que vous les aurez commencés, mais... Vous ne vous détacherez plus du tome 1 et vous voudrez forcément vous jeter sur le tome 2 pour vite avoir la suite et savoir comment ça se termine. Enfin, et encore même pas, puisque il est à 4 livres et que, évidemment, la chute d'Hyperion n'apporte pas toutes les réponses. Mais ça, je vous parlerai donc d'Endymion et de l'éveil d'Endymion la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Merci Camille. Vous pouvez la contacter via son site internet à developpeur.site.web.free.fr. Merci de votre attention. À bientôt.